tambour with your bum bum. I cannot do do. I am losing control. I want you on my moto. I won't ride you solo. Latest design attack. Get it for you. Tranqui conmigo, tú estás bien. Get it for you. Dueño de mi corazón. I do, what can I do? Tell me how to do, do, do. Maldigo el tiempo sin tu amor. Dime, dime, dime dónde estás y dile, dile que me quieres más. Y dicen, dicen que no va a durar como Shakira y Piqué. Cuando tú no estés bien, llama al celular 911. Si estás triste, sin mí te paso a buscar. Y baby, no miento que tú estás buena. Por tus ojos, el peligro vale la pena. Get it for you. Tranqui conmigo, tú estás bien. Get it for you. Dueña mi corazón. I do, what can I do? Tell me how would you do, do. Maldigo el tiempo sin tu amor. Tell me how would you do, do. Oh, yeah. So let go. Celular. Si estás triste, sin mí te paso a buscar. I cannot do, do. I am losing control. I want you on my moto. I won't ride you solo. So let go. Comet FM. Suerte la mía que aquel día. Comet FM. Comet FM. Comet. Votre radio en pays d'Apt. Comet FM. Comet FM. Why you taking so goddamn long? I could have got my hair cut. Can't be mad when you got your hair up. Don't need makeup, girl, you look airbrushed. What's the damn deal with ya? Like, cut the cameras and keep it real with ya. Used to share thoughts and meals with ya. But truth is, I ain't trying to label you shit. But if the shoe fits, girl, you might be a bitch. I keep thinking maybe I should quit the game. You got tired and you flipped your ways. We used to have a two-seater beater and we whipped the thing and scale mountains to fit your range. I switched lanes for the passion, I know. Ain't nobody else that I would sacrifice for. Not have a life for, grab a mic for. Hey, you looking fab, we could have the lights on, come on. Side chicks, what would I take 10 years of fucking and fighting? Willingly right click delete. What type of joke you thinking of life is to me? Love is animated, real life is cartoon. This is what they make all the timeless art to. I can't do the deed with beats and bars too. Ain't a song that can sing like both our hearts do. And we both got problems, don't need hard proof. You're off with somebody else, I saw through facades, it's subpar. You serve me bar food, I'm worth the bourgeoisie. Steak and raw tuna, chase the wrong dude. Stop the whole movie like it's no tape, a script for part two. You broke me, now it's a habit, and I am an addict. I might as well OD, okay. FM. soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement. Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. C'était un rêve éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève. Je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves? Si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève. Je veux garder. Est-ce qu'on retient? Si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé. C'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé. Vos yeux endormis sereins autour de la table du petit-déj. J'ai aimé. Il y avait l'odeur du grille-pain et vous me racontiez vos rêves. De drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège. J'ai rêvé. C'était l'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies. J'ai regardé. C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis. J'ai aimé. Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève. Je veux garder. Apprennent à lire, nous on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte si c'est pour être papa. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève. Je veux garder. On retient les rêves si on voulait, si on voulait. Red tape with fingernails that shine like FM. Comet FM. Comet FM. Chérie, dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux. Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux. Yeah yeah. Chérie, 5 étoiles et l'hôtel. Y'a à peu près tout, des glaçons, des cocktails. Dès que t'es OP, appelle-moi sur mon tel. Juste pour la soirée, je veux que tu sois ma Gisèle. Si t'as les pouvoirs, je veux que tu sois magicienne. Et que tu mettes la vibe. Bébé, que tu mettes la vibe. Mais bébé, c'est quel type de vibe? Tu mets tellement de temps à te décider. Tu sais, j'ai eu le temps de me faire des idées. Mais ça, c'est encore un autre type de vibe. Ça dirait de venir surfer sur ma vague. Là où personne pourra nous déranger. Là où personne nous dira de changer. Je pense que t'aimes bien ce type de vibe. Chérie, dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux. Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux. Yeah yeah. Chérie, dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux. Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée. Tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs. Moi je suis venu pour te tirer les cheveux. Et juste après on se mate le film que tu veux. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux. Yeah yeah. Oh, 16h. Comet FM. Comet FM 96.4. Les nouvelles vibrations. Les nouvelles vibrations. I heard a million times before I came to you. One after the other side, time's the only cure. When love is forever gone and disappear like stars at dawn in every road that I've been on. It leads me back to you. It leads me back to you. Yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love. Life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like. Somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. I'm not here. Comet FM. Comet FM. Comet. Votre radio en pays d'Apt. Nothing more frightening than a woman scorned. And a box of bleach, you said I'd never change. I bet you never thought I'll go so extreme. I lost a couple of inches and then a couple more. Starting with you and every single thing you said to me. Baby, if you thought that I was trouble, then you're gonna hate what's coming next. Kinda like your worst nightmare, but double. Is that an angel? No, it's your ex. Remember how you screwed up when I was a brunette? I don't think you knew just what you'd done. Whoa, I'll fuck your life up as a blonde. I'll fuck your life up as a blonde. I'm going Gwen Stefani, I'm going Courtney Love. I'm heading out of your league, I'm gonna make your friends say, man, you messed that up. And now I'd have to agree, I had some emotional baggage, oh, but I cut it off. Starting with you and every single thing you said to me. Ending with you, just wanna talk, but I'm just never free. Baby, if you thought that I was trouble, Comète. Bonjour. Le salon de l'orchidée et des plantes insolites, organisé par le club Rotary Apt Cavaillon et la ville de Beaunieu, se déroulera à la Maison du Livre et de la Culture les vendredis 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre. L'entrée est de 4 euros, gratuit pour les enfants. Les fonds seront reversés pour le handisport et en particulier pour une athlète de notre région, Sophie Briand, qui se prépare pour les Jeux Paralympiques de 2024. Les billets d'entrée permettent de participer à notre tombola. Merci Comet et venez nombreux à Beaunieu ce week-end. Allô Comet, la libre antenne des associations. Toute la nuit et toute la journée, toute la vie, je serai à tes côtés, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non. te réveillera demain. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas loin. Que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, ah, que tu le veuilles ou non. Pourquoi résister, à quoi bon? Que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non. Pourquoi résister, à quoi bon? Comet FM. Comet FM. Trop de guerre, trop de guerre, entre pères, entre frères, la guerre est là. Comment faire sans se taire, sans se plaire, sans colère, pour arrêter ça? Trop de guerre, de frontières, entre pères, entre frères, la guerre est là. Comment faire sans se taire? Il ne te reste pas de temps. Cette guerre, tu ne la comprends pas. Mais tu dois aller au devant. Tu dis au revoir à tes parents. Et tu prépares tes affaires. Comment faire quand on est un enfant avec des habits militaires? Trop de guerre, trop de guerre. Entre pères, entre frères. La guerre est là. Comment faire sans se taire, sans se plaire? Sans colère, pour arrêter ça. Trop de guerre, de frontières, entre pères, entre frères, la guerre est là. Comment faire sans se taire, entre pères, entre mères, pour arrêter ça. Tu es seul au milieu des combats, les bombes tombent tout près de toi. Depuis quand tu ne t'en souviens pas, dans le noir tu avances pas à pas. Tu as grandi dans la rivalité, mais tu rêves d'humanité. Les âmes, tu voudrais les déposer pour que le monde puisse enfin s'apaiser. Trop de guerre, entre pères, entre frères, la guerre est là. Comment faire sans se taire, sans se plaire, sans colère? Ever since this war. you up, stuck in a rut. Everything you give is never enough. But if we change the way we look at life, the life we look at changes. Every single pair of hearts started out as strangers. Life leads us out of the dark. Comet FM. Comet FM. FM. Something like this. Something like this. Between the lines, I'm feeling better. Give them time to me. Écoutez Comet FM sur 96.4 et cometfm.com. J'ai tourné cette fois la langue, pressé mon cœur exsangue pour t'écrire des lettres qui déchirent, j'échirent. C'est facile pour toi qui laisse l'éléphant dans la pièce. Et tout seul je m'entends qui respire, respire. Et autour j'entends les autres qui disent que c'est ma faute, que t'es bien mieux comme ça. En silence, je t'attendrai pendant des heures. Ton absence, elle sonne encore comme une erreur. Mais ton cœur plus jamais ne m'aime, jamais ne m'aime. C'est ce que dit la rumeur. C'est ce que dit la rumeur. Jette les points de suspension dans nos conversations. J'ai attendu mais n'ai vu personne, personne. À part des hommes impatients que viennent leur moment. Un corps sain c'est un corps qui consomme, consomme. Et j'entends toujours les autres qui disent que c'est ma faute, que t'es bien mieux comme ça. En silence, je t'attendrai pendant des heures. Ton absence, elle sonne encore comme une erreur. Mais ton cœur plus jamais ne m'aime, jamais ne m'aimera. Pendant des heures, ton absence, elle sonne encore. six, nine, ten. Money can't buy you back the love that you had then. La musique revient dans un instant sur Comet FM. Que veut dire le S de ouverture S? Les collaborateurs nous répondent. S comme sensationnel. Le S de satisfaction. Le S de sérieux. Le S de solidarité. Ouverture S, c'est tout ça. Besoin de changer vos fenêtres, portes, volets, portails. Origine France garantie. Rendez-vous sur ouverture-s.com. Ouverture S, la solution avec un grand S. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à 2000 euros offerts sur votre projet. Retrouvez-nous dans votre magasin Aptalu Ouverture S au 445 avenue Victor Hugo à Apt. Téléphone 04 90 04 79 67. Comet FM. Comet FM. Priorité à la musique. I've been going up and down. Now I'm 6 feet over ground. From up here looking down. And I see a little clearer now. I've been chasing a dream. I'm so blind to see this life. Feels like heaven to me. Feels like heaven to me. And I've been running in circles. I've been losing the meaning of time. Cause I've been running in circles. But I'm happening. Tell me we don't mean a thing. Let it get under my skin. But you know we could be anything. After chasing a dream, I was too glad to see this life. Feels like heaven to me. Feels like heaven to me. And I've been running in circles. I've been losing. Comet FM. Comet FM. Comet FM. Comet FM. Take your time, oh my lover. I know it's been bad and felt like forever. Oh, and honestly, I gotta say, I can feel your descent. I won't let you down, let you fall apart, let you lose your hope, all the chance. I gotta say, Baby, baby, you can be my baby boy, delay. Comet FM. Comet FM. Comet. Votre radio en pays d'Apt. Soyez gangster, soyez voyou. Toi, montre où mon loup. Tu serais mon lascar superstar. C'est mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling. Et que le meilleur gagne sur le ring. Toi, monte mon bar. Tu serais mon lascar superstar. Et moi, j'ai si peur dans le noir. FM. Oh,

de tendresse. Ignore, stars aren't aligned. My horoscope, just let me know. Don't do shit today, just stay in bed and let it go. Comet FM 96.4. Les nouvelles vibrations. Les nouvelles vibrations. Home. Comète. Comète, comète. Comète FM. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. FM. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand, chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. The lane, but you already know, yeah. So don't waste this time, yeah. I just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh. Je rebondis partout, allez, faut y aller, allez, faut y aller, oui mais non, allez, faut y aller, allez, faut y aller, n'importe où. Les yeux scotchés à la télé, mes neurones ravagés. Échoué sur mon canapé, comme une vieille baleine abandonnée. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller. Oui, mais où? Allez, faut y aller. Force est de me résigner à ma franche passivité. J'attends avec incontinence les grands progrès de la France, de la tolérance et surtout de mes finances. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Écoutez Comet FM sur 96.4 et cometfm.com. They just chat, I live it, yeah. Boy, don't cap, y'all feel it, yeah. My whip got no ceiling, yeah. Bitch, I ball like Krillin, yeah. I can't stretch no bitch, yeah. Life too short, though, in it, yeah. Watch how quick they flip, yeah. Do me, fuck your feelings. Philippines with my wife, that's where I'm at. Limousine for the night, that's where I'm at. In a dream, but real life, that's where I'm at. Wrapped up in the moment, I call you back. Cabin out in Arizona. Bungalow in California. Baby, we do what we wanna. Summer house in Barcelona. Cartier, new edition. Gourmet chef in my kitchen. Flights that don't cost the distance. Know you is in on my business. You blink twice, oops, you missed it. Only live life where the light hits best. We only find rest where we find sunsets. High tea folks with accents. If this is life, then say less. We'll be living high in paradise. Champagne skies, anything you like. Lake Como, a fresh chateau. so different. Vision just as clear as my mission. Grateful for the way that I'm living. I'm the only cook in my kitchen. Living out my bucket list. Had some fun on the road to riches. Fell head first, but I'm up again. Every step got good intentions. Give me that daylight, yeah. Ay, give me that moonlight, yeah. Ay, give me that breeze. Give me them trees. Give me some room right here, yeah. Give me that view. Beach and a pool. Give me that too. I don't want lies. Give me that truth. I just wanna vibe. She just wanna move, yeah. FM. Feeling it out, and for once it feels